Bonjour, ceci est un oxymètre. Ça sert à mesurer le niveau d'oxygénation dans le sang. C'est un petit laser qui passe à travers votre ongle. Je vais faire le test sur moi. Bon. L'intérêt de ça, c'est de savoir que, par exemple, les enfants en bas âge qui portent le masque, ça se réoxygène vite, les enfants. C'est pour ça que si vous faites le test sur eux, de le faire pendant qu'ils ont encore le masque après une journée d'école. Puis, si vous pouvez avoir une infirmière avec vous, puis un avocat ou un huissier, ça sera encore mieux, mais de le filmer, puis d'avoir un expert qui fait un médecin ou une infirmière qui fait la lecture. Donc, comme là, moi, c'est quand même bien. Auquel j'ai surprenamment, là, je suis quand même bien oxygéné. Pour quelqu'un là, qui a des habitudes de vie comme les miennes, c'est quand même surprenant. Mais c'est vrai que moi, j'en porte pas de masque. J'en porte 2 minutes pour aller au dépanneur ou 10 minutes pour aller à l'épicerie. Mais là, je considère que on nous parle beaucoup de science. Ce serait intéressant là, de s'intéresser à un empirisme, c'est-à-dire commencer à vous intéresser à voir dans votre vie au niveau des répercussions, par de le voir, de les mesures, de ce qui se passe. Parce que l'hypoxie, on sent pas les effets. C'est à long terme. C'est sur le long terme qu'il y a un effet. Il va y avoir un ralentissement, de toute façon, comme pour le développement neurologique chez de jeunes enfants. De toute façon, moi, je suis pas un expert, mais la littérature existe. Je veux dire, la science, c'est pas apparu pendant 2020. Donc, aussi, si vous voulez tester votre enfant, puis après, là, montrer que justement il y a un état d'hypoxie, non seulement de le faire à la fin de la journée, pendant qu'ils ont encore le masque, mais pourquoi pas cette journée-là appliquer la recommandation de Christian Dubé et porter 2 masques? Pourquoi pas? Puis là, je vais demander quelque chose que j'ai jamais demandé. C'est si jamais vous faites des vidéos comme ça, que juste vous n'avez rien à dire. Juste à faire le test, puis à le montrer, puis à le partager sur les réseaux sociaux, à le filmer, ou c'est comme vous voulez. Puis ça peut être fait là, par rapport à n'importe qui, des personnes âgées ou même sur vous-même. Un oxymètre, c'est disponible, c'est facile à trouver. Il y en a beaucoup en bas de moins de 20 $. Au pire, là, je suis certain que vous pouvez vous tester avec des oxymètres, par exemple, prêtés par d'autres aussi. Là, c'est pas obligé que chacun ait le sien. Mais au moins de commencer à exposer les effets de ça. Parce que, pour être franc avec vous, là, les enfants là, de 5 ans en montant qui portent le masque là, des fois 8 heures par jour, en tout temps, moi je suis certain qu'il y a un dommage, c'est évident, qu'il va y avoir un ralentissement au niveau du développement neurologique, sans parler chez les jeunes enfants, le faciès, là, c'est très important. Donc, si possible, là, de au moins faire l'effort de la faire venir de le faire venir le gadget de le commander puis au moins de voir par vous-même puis si de partager les effets on peut pas censurer des c'est comme si vous prenez votre température vous montrez que vous faites de la température si ça peut pas être censuré parce que nous sommes rendus à une époque où lorsqu'il y a crainte d'un débat, on l'évite à tout prix, on est en train de changer le vocabulaire pour l'adapter. Vous voyez, là, c'est ça là, qui commence à être déplaisant. Puis on nous parle de science. Donc la science, c'est la même pour tout le monde. Donc tout le monde, là, quelque part, là, vous pouvez l'avoir de votre côté. Parce que il s'agit d'être conséquent. Parce que s'il y a des invraisemblances dans ce qu'on nous dit, il y a moyen de le démontrer d'une façon empirique, factuelle. Ça, j'en suis persuadé. Puis, vous voyez là ce qui se passe en Allemagne en ce moment, ben, vous le voyez peut-être pas. Parce que moi, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais là, Mme Merkel qui s'excuse, et puis, je pense que là, on en entend, on n'est pas plus fou qu'ailleurs. Puis, oui, on a commencé à être plus fou qu'ailleurs, là. Donc, s'il vous plaît, au moins faire l'effort de vérifier, de le vérifier empiriquement. L'effet sur vos jeunes qu'on leur demande de faire du hockey avec des masques, qu'on demande à des enfants en bas âge de porter des masques de procédure qui sont faits de matières synthétiques, qui a des particules, puis je veux dire, là, ça commence à. C'est là la limite où je considère qu'il y aurait dû avoir une réaction populaire plus conséquente que ça. Puis, je suis pas très fier. Moi, j'en ai pas d'enfant, puis je vous avoue que ça commence à me déranger pas à peu près. Puis, il va falloir là, que ceux qui en ont prennent leurs responsabilités. Parce qu'il y a des gens qui acceptent ça, moi, je serais porté à remettre en doute leurs compétences parentales, leur discernement, puis leur jugement. On peut pas, là. Puis aussi, là, par rapport au personnel de la santé, il y a des personnes âgées puis des enfants en ce moment que, à mes yeux, ce qu'ils vivent, c'est de la maltraitance. Puis c'est pas justifiable. On pourrait dire, oui, c'est peut-être dommageable si au niveau que c'était justifiable, là, que c'est. Mais non. On n'a pas démontré, à mes yeux, que les bénéfices étaient supérieurs à des problèmes qu'on connaît. Je veux dire, la littérature existe là, sur le manque d'oxygène dans le sang pendant le développement. Chez les enfants, je veux dire, c'est des choses qui sont connues. Donc, merci, au revoir. Puis pour la première fois, si possible, partagez donc.